La mini-jupe arrive en flèche sur sourire, comme est pour la peine Dominique avec sa rime pas très Saint-Siège. Les Surfs, premier groupe vocal noir de langue française, se hissent en tête des hits avec « À présent tu peux t'en aller ». Avec Zorro est arrivé, Henri Salvador signe le gag de l'année. Mais le limogeage de Khrouchtchev n'a rien d'une farce soviétique. Adamo arrive tout droit de Belgique et se rend de suite au bal avec « Vous permettez, monsieur ». Tandis qu'un autre Belge, Jacques Brel, lui fait le tour d'Amsterdam. Après Sheila, Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser, et France Gall, le sacré Charlemagne, se projette sur le devant de la scène. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s. Allez, bienvenue sur Radio Guimauzo, merci de nous accompagner. Je t'en allais. J'aurais voulu alors qu'il était trop tard.

1957. Madame. Les Parisiens découvrent avec effroi la zone bleue et le disque de stationnement. La bataille d'Alger se termine. Brigitte Bardot est la Parisienne. Et le Rex inaugure les premiers escaliers mécaniques de cinéma. Les Françaises s'entichent de dessous affriolants, encouragées par Gloria Lasso. Les Américains découvrent l'aspirateur géant. Et l'inventeur du mot rock'n'roll, Alan Freed, sort son premier film. Puisque celle qui t'aime. Édouard Herriot quitte à jamais la vie politique. Fais-moi mal, Johnny. Les premières images tournées en apesanteur voient le jour. Henri Fonda fait vibrer dans 12 hommes en colère. Et le lait instantané fait des adeptes. Ingmar Bergman sort Les Fraises Sauvages et deux mondes se rencontrent, Dali et Walt Disney. La Ford Mustang est mise en vente aux États-Unis. Marie-Ken, styliste d'origine galloise, révolutionne le prêt-à-porter féminin en créant la mini-jupe. Nous sommes en 1964 et Sylvie Vartan sort son 17e 45 tours sur lequel figure « N'oublie pas qu'il est à moi ». N'oublie pas qu'il est à moi, et chaque fois qu'il est là, je te vois. On est autour. Mais surtout n'oublie pas que maintenant il est à moi. N'oublie pas qu'il est à moi, hey. Car dans tes yeux je lis à chaque fois, hey. Tu voudrais me l'enlever, oui je le vois. Oh tu lui fais de vous sourire, hey. Et ne crois pas que tu me fais souffrir, hey. Mais surtout n'oublie pas que maintenant il est à moi. Je crois bien que tu as tout fait, ailleurs tu devrais bien chercher. 1960 sort le second 45 tours de Johnny Hallyday, lequel comprend trois compositions originales, la quatrième étant l'adaptation d'un titre américain, le Agate Song de Elvis Presley sous le titre Je suis mordu. Ça a remué dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Wouh! Ça peut, ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat à fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un petit fichu. Ah ah ah, je suis mordu. Yeah, ah ouh. Yeah, ah ouh. Yeah, elle a l'air de ne pas se toucher. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon vous ferez comme moi, vous serez les bras en croix. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un petit fichu. Ah ah ah, je suis mordu. Yeah. Elle a des yeux étranges. Vous croyez voir un petit ange, mais ne vous dites pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. Je suis mordu pour un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus que la nuit, je suis tout à vous crier tout ça sans résultat. Wouh, je suis fichu. Ah ah ah, je suis mordu. Johnny Hallyday, je suis mordu, un titre tiré de l'épopée de l'époque Vogue. De toute façon, c'est un titre qui est un peu surprenant, mais le sens original de la chanson est respecté, même si on appelait rarement les jeunes filles petites oiseaux bleus. Johnny Hallyday, où est Elvis Presley, Agate Song, premier match, premier choix pour vous sur Radio Game Oiseau. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Avec Gérard, c'est parfaitement bon. Y'a deux filles à mon étage, mais une sur mon cœur. En trois dans ma maison, une seule pour mon bonheur. Savez-vous, je l'aime comme un fou. Oh, ça me les vend partout. Que voulez-vous, je l'aime, voilà tout. Mon cœur, mais moi je reste sage, je veux sauver mon bonheur. Ça peut paraître étrange qu'une seule aime à ta peur. Oh, oh, je l'aime et c'est un homme, savez-vous, je l'aime comme un fou. Oh, ça me les vend partout, que voulez-vous, je l'aime et voilà tout. Ouais, yeah, go, go. De me voir rester sage pour sauver mon bonheur. Ça leur paraît étrange qu'une seule aime à faveur. Ah, ah, je l'aime et c'est un ange. Savez-vous, je l'aime comme un fou. Ça me dévore partout, je vous l'avoue, je l'aime et voilà tout. Une sur mon cœur, trois dans ma maison, une seule pour mon bonheur. Savez-vous, je l'aime comme un fou. Oh, ça me les vend partout, je voulais vous, je l'aime et voilà tout. Oh, fou, fou, comme un fou. Fou, fou, comme un fou, yeah. Fou, fou, comme un fou, baby. Fou, fou, comme un fou, ça me les vend partout, je voulais vous, je l'aime et voilà tout. J'en suis fou, fou, fou, comme un fou, mais fou, fou, j'en suis fou, yeah. Fou, fou, comme un fou, ça me les vend partout. Je voulais vous, je l'aime, voilà tout, oh, oh, yeah. Avec Comme un fou, nous avons affaire à l'un des rocks les plus débridés enregistrés par les Pirates. Bien que crédité à Daniel Dehé, alias Danny Logan, et Léo Messire, il s'agit en fait d'une adaptation à peine déguisée du Blues with You de Carl Perkins. La preuve, bien qu'en 1961, on pouvait chanter du rock en français. 6 ans plus tard, pour Gilbert Bécaud, l'important, c'est la rose. En cette année 67, et plus précisément en décembre de cette année, Julie Driscoll fait son entrée dans les parades avec Save Me. Thank you. Les Beach Boys sur Fini USA. Après les garçons de la plage, nous retrouverons quelques titres classiques dans le hit parade de janvier 1965. Radio Guimauzo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Peut désormais faire usage de la langue du pays au lieu du latin pendant la messe. Homme d'État avisé et courageux, journaliste, aventurier, peintre à ses heures, Sir Winston Churchill meurt à 91 ans. Yves Robert présente son film Les Copains et David Lean tourne Docteur Jivago. Le 15 de France bat l'Écosse par 16 à 8. Chuck Berry est en tournée en Grande-Bretagne avant de se rendre début février à Paris pour un musicorama à l'Olympia avec Ronnie Bird en première partie. Nous sommes en janvier 1965, Ronnie Bird qui classe L'amour nous rend fou à la 30e place du hit parade. Il m'a fait faire n'importe quoi. En ce temps-là, tout était bien. Je me croyais le plus malin. À présent, je pleure la nuit. Elle est partie, ma petite amie. Oui, je l'aimais beaucoup. L'amour nous rend tous fous. L'amour s'est bien moqué de moi. Il m'a rendu bien maladroit. Son cœur ne voulait pas jouer. Je devais tout lui avouer. À présent je suis malheureux. Elle ne m'a pas pris au sérieux. Oui j'en étais jaloux. m'aimait beaucoup. L'amour nous rend douze fous. Oui, l'amour nous rend douze fous. L'amour nous rend douze fous. Après James Bond contre Dr No et bon baiser de Russie, l'agent 007 alias Sean Connery fait un malheur au cinéma avec son troisième film Goldfinger. Quant aux Suprêmes, elles font un malheur en se classant d'entrée à la 24e place du parade de janvier 65 avec Baby Love. À Los Angeles, émeute raciale sanglante dans les ghettos de Watts et Newton. À Paris, la faculté des sciences remplace l'ancienne Halle aux Vins avec la bénédiction de Pompidou. Le designer, héros hargneux, fait des bulles, chaises. Et Ella, la tigresse du jazz, scatamore. Et saut met un tigre dans son moteur. Le couteau électrique fait fureur au salon des arts ménagers. L'art inspire Yves Saint-Laurent qui invente la robe Mondrian. À la télévision, le différé est utilisé pour la première fois grâce au magnétoscope. Et Sean Connery fait mouche au box-office dans Goldfinger. À Saigon, un attentat a lieu contre l'ambassade américaine. Le magazine Elle consacre le mannequin Jim Shrimpton. La Peugeot 204 taille la route. Et la préparation mousseline dispense les ménagères de corvée. We'll be right back. ils sont 15e, les Beatles, She's a Woman. Yves Montand présente le premier magnétoscope à usage privé, une nouveauté qui n'a pas fini de révolutionner le monde de l'image. En ce mois de janvier 1965, Dick Rivers, qui poursuit avec brio une carrière solo, classe Entre nous, c'est fini à la 6e place du hit parade. Lors de son passage à Bobino à partir du 13 janvier. Un spectacle de haute qualité, mais moins rock que celui que ses fans étaient en droit d'espérer. Toujours un coin qui me rappelle, premier du hit parade de janvier 1965, Eddie Mitchell précède Sylvie Vartan et Petula Clark. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Reste la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là, t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh.

Memphis, Tennessee, le tube de Chuck Berry, version Animals. Adaptation contre version originale. Allez, de suite, notre deuxième match. Je l'attends en pleurant. Mes amis, oh, dites-lui que je l'attends. Je comprends maintenant. Dites-lui que je m'ennuie en l'attendant, en rêvant nuit et jour, revivant les doux instants de notre amour. Des regrets plein le cœur, oui j'en ai, c'est pour ça que moi je pleure. L'adaptation King of Clan, la version originale, c'est dans le répertoire de Nel Sedaka que nous allons la retrouver. Here I come, the King of Clown, as I hide behind a smile and paint the town. Though I cry, since you're gone, you'll never know because the show. The King of Clouds is crying. 60 souvenirs souvenirs sur Radio Guémozo. J'adore tout à fait cette version allemande du Ja, der Elefant, du Wap du Wap, vous l'aviez reconnu bien sûr, c'était l'ami Johnny Hallyday. En 1961, il l'avoue et il le chante, Richard Anthony sur Radio Guémozo, ça tourneront. Le feu, mais ça tourne rond. On dit qu'on a le diable au cœur, qu'on parle d'amour en se cachant comme des voleurs, mais attention, on triche un peu, mais ça tourne rond. C'est moi qui vous le dis, ceux qui parlent ainsi, c'est qu'ils oublient le temps de leur vie. Sur un volcan, mais attention, on danse le rock, mais ça tourne rond. Ça tourne rond. On dit qu'on a le diable au cœur. Ce diable, ce n'est rien que l'appel d'un grand bonheur. Et attention, ça marchera car ça tourne rond. Ça tourne rond, ça tourne rond, ça tourne rond, ça tourne rond. Le 21 avril 1965, le leader charismatique des Noirs américains, Malcolm X, est assassiné, préfigurant toutes les disparitions politiques des principaux leaders des Black Panthers les 18 et 19 mars. Le cosmonaute Leonov est le premier homme à sortir dans l'espace. Le 12 avril de la même année, Johnny Hallyday épouse Sylvie Vartan, la reine du Yéyé. Petula Clark, elle, sort dans le temps, version française, de son hit anglais Downtown. Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais tout le temps. Chercher dans les rues, mais pourtant c'est en vain. Tu sais, Downtown, comment s'aimer, oh oui, Downtown, je m'en souviens, oh oui, Downtown, qui a passé depuis dans le temps. Downtown, dans ce quartier où l'on ne vit que la nuit, il y a comme un vent. La légende en musique sur Radio Guémozo. Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her,

comme un ermite, must away. Dans quelques minutes, vous retrouverez le coin du spécialiste, un coin du spécialiste consacré aujourd'hui à Joe Dassin. Ça sera juste après Wanda Jackson, Breathless. À New York. Joe Dassin est le fils d'une violoniste classique et du metteur en scène Jules Dassin. Joe poursuit de brillantes études d'ethnologie avant de se lancer dans la chanson. Excellent guitariste, Joe Dassin signe un contrat chez CBS pour ses 26 ans. Le succès vient avec Bip Bip, puis Guantanamera, Ça m'avance à quoi et Excuse me Lady. L'année suivante, Joe Dassin culmine en tête des ventes avec Les Dalton, une chanson que Joe avait composée pour Henry Salvador et passe à l'Olympia en première partie de Salvatore Adamo. En 1968, Sifflé sur la colline et la bande Abono, deux gros succès viennent confirmer ses débuts plus que prometteurs. En 1969, il endosse pour la première fois un costume blanc, triomphe avec les Champs-Élysées, l'Amérique et Cécilia. Au début des années 70, un léger passage à vide, l'occasion pour Joe Dassin de se découvrir deux passions, le golf et Tahiti. En 1975, c'est à nouveau un triomphe via un slow, l'été indien. Puis les hits s'enchaînent avec « Et si tu n'existais pas ?»« Il faut naître à Monaco, ça va pas changer le monde, l'équipe à Jojo ?» Enregistrement, tournée, gala, à l'instar d'une Dalida ou d'un Claude François,

votre radio. Collez branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Chaque fois que j'y pense, ça m'avance à quoi? Ça m'avance à quoi? Si j'en rêve, oh oh, car j'en crève, oh oh, de rester sans toi. Passer d'une pièce à l'autre, ça m'avance à quoi? Dis, ça m'avance à quoi? Tant de place, oh oh, tant d'espace, oh oh, tout est vide sans toi. C'est l'ego que j'écrase, ça m'avance à quoi? C'était le

partie instrumentale, c'était Johnny on the Weekend. Adaptation, contre-version originale, de suite notre troisième et dernier match. C'est l'une des adaptations françaises. L'autre est interprétée par Sylvie Vartan. La version originale, What I Say, c'est dans le répertoire de Ray Charles que nous allons la retrouver. All right. Rolling, baby.

Dynamite. À présent, tu peux t'en aller. Ce n'est pas Richard Anthony ou les Surfs que je vous propose d'écouter. Ce sont les Shooting Stars qui vont l'interpréter. Les Shooting Stars étaient un groupe spinalien qui sévissait en Lorraine dans les années 64-65. Ouvrez bien vos oreilles et soyez indulgents. C'est un enregistrement réalisé à l'époque avec peu, très peu de moyens. Le plein de nostalgie sur Radio Gemozo. C'est bien. Shooting Star sévissait en Lorraine, Chantal Goya, qui ne pensait pas encore à Bécassine, sortait en 1965 son premier 45 tours, sur lequel figurait notamment C'est bien Bernard. Dimanche 10h midi, rediffusion de l'émission. Notre prochain rendez-vous en direct, eh bien, c'est lundi dès 15h. Salut à toutes, salut à tous, excellente semaine sur Radio Gémozo et n'hésitez pas à vous brancher sur Internet, dont voici notre adresse, radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Salut à tous! C'est la préparation des chromes de la Dauphine Renault. Dauphine Renault, la plus vivante des quatre places, 115 km à l'heure et seulement 6 litres au 100. We'll be right back.